Ce vendredi à la vie en BD. BD humoristique, BD numérique et 24 heures de la BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour plonger dans l'univers du 9e art de la bande dessinée. Et comme on le disait à l'entrée de jeu, trois tons, trois univers BD bien distincts, trois supports distincts peut-être aussi. En fin d'émission, on jasera avec le directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, Thomas-Louis Côté, et deux auteurs BD, Catherine Lemieux et Anthony et Charbonneau-Grenier. Donc, autour de ce 24 heures de la BD d'Angoulême. Alors, c'est un défi que vous connaissez probablement, donc l'idée de faire une bande dessinée de 24 planches en 24 heures, un défi pas évident à relever, et à l'invitation du Festival et de la Maison de la littérature, eh ben il y aura une dizaine d'auteurs à Québec qui relèveront ensemble ce défi qui est répandu à l'ensemble de la francophonie. Alors, on en jasera avec eux tantôt, donc voir un peu comment on se prépare pour faire un défi comme celui-là, entre autres choses. Sinon, également, deuxième moitié d'émission, on aura l'occasion de jaser avec l'humoriste François Saint-Martin, qui, au début de l'année, s'est lancé dans la sphère BD, ou l'automne dernier, en fait, faisait déjà un bout de temps qu'il en faisait sur le web, les médias sociaux également, en collaboration avec son scénariste, avec son dessinateur, pardon, Marc Bruno. Ils ont offert, en fait, Monsieur Bruno intégrait, si on peut dire, dans un univers dessiné les blagues créées par François Saint-Martin, et ils ont fait un album avec ça, un album auto-édité. Alors, on va parler un peu du processus qui a mené à l'album, et également de la mécanique des gags qu'on trouve à l'intérieur de cet album-là, avec un passage, évidemment, aussi d'un humour plus traditionnel, un humour BD, comment se fait un peu cette transition. Et sinon, dans quelques minutes, on aura le plaisir de jaser avec Pascal Girard. C'est du côté des éditions de La Pastèque qui se sont donné un beau défi, un beau projet, la bande dessinée numérique, tout garni, donc l'histoire rocambolesque d'un livreur de pizza qui cherche où livrer sa pizza, qui va faire une multitude d'appartements, c'est sur écran, BD défilante, avec un peu d'action, des animations. Comment, comme créateur BD, on se positionne un peu dans un contexte de projet qui est naturellement très différent de ce qu'on fait habituellement, et avec un support aussi qui est non traditionnel. Alors, on va jaser de ça et d'autres choses avec Pascal Girard dans quelques minutes. Alors, c'est le menu cette semaine à La Vie en BD, et maintenant on passe aux actualités. Alors, dans les actualités cette semaine, mais notamment, vous avez peut-être vu ça passer sur les médias sociaux en début de semaine, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec a annoncé ses dates. Alors, pour 2017, ça aura lieu du 1er au 9 avril, donc on annonce 9 jours d'activité pour le 9e art. On annonce également un festival qui sera peut-être un peu plus étendu que cette semaine intense d'activité où il y aura une panoplie d'éléments et d'événements. Alors, il y aura sûrement un mois d'avril qui sera très, très animé. Et parallèlement, on indique aussi, comme à l'habitude, que le festival sera présent au Salon du Livre de Québec. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'affiche signée Jimmy Beaulieu, ça vaut la peine d'aller faire un tour, que ce soit sur le Facebook de La Vie en BD, facebook.com/La Vie en BD, sur celui du festival ou autre. En fait, ça a été très, très relayé au fil de la semaine, et pour cause, c'est une affiche absolument superbe avec un look très rétro. Je ne la décrirai pas en ondes, évidemment, mais allez la retracer si vous ne l'avez pas encore vue, ça vaut vraiment la peine. Et évidemment, réservez vos dates, 1er au 9 avril. J'ai choisi un peu avec Thomas-Louis Côté, directeur général, en amont de l'émission de cette semaine. Il me disait, regarde, il y aura des choses, des spectacles pratiquement tous les soirs, des activités presque en continu. Alors, ça va être vraiment une semaine extrêmement intense. Alors, on se prépare et surtout, on réserve nos journées et nos soirées. Sinon, mention également en lien avec le festival, le prix Jacques Urtubise est de retour, donc pour une deuxième année. Le festival invite les auteurs et les collectifs ayant une œuvre de bande dessinée francophone en chantier et destinée à être publiée en auto-édition à déposer leur candidature pour ce prix, assorti d'une bourse de 1 000 $ offerte par Brouillard Communication. C'est un prix, je le rappelle, qui a été créé l'an dernier pour favoriser la nouvelle création et les auteurs émergents au Québec. Alors, un dépôt d'ici le 1er avril 2017. Alors, si vous êtes auteur émergent, ben, prenez-le pour dit. Sinon, on change radicalement de sujet. 2017, année d'Astérix. Et oui, en fait, c'est toujours ces bandes dessinées événements. Je pense l'an dernier, c'était quoi? Il y a deux ans, c'était quoi? 2 millions d'exemplaires à peu près et plus. Alors maintenant, ben, dans le cadre du 90e anniversaire d'Albert Uderzo, du 40e anniversaire de la disparition de Goscinny, alors les éditions Albert René vont publier le 37e album des aventures d'Astérix. Ça va être publié en octobre 2017. On sait évidemment presque rien de cet opus, si ce n'est qu'il sera à nouveau scénarisé par Jean-Yves Ferry et dessiné par Didier Conrad, donc ceux qui ont repris, qui ont pris la relève de cet univers avec les deux albums, donc de 2013 et de 2015. Et ce qui a été révélé aussi dans une planche, j'ai mis d'ailleurs l'hyperlien également sur le Facebook de l'émission. Alors, ce sera pas nécessairement le héros habituel qui sera au cœur de cette bande dessinée. On nous annonce peut-être Obélix, le Gaulois. Alors, c'est ce qui ressort un peu de cette planche. On verra qu'est-ce qu'il en sortira réellement. Par ailleurs, prix Couille au cul 2017, initié, je le rappelle, par le rédacteur en chef de Fluide Glacial, Yann Lindingre, qui s'est associé au Off le festival Off de la BD d'Angoulême. Et bien donc, ce deuxième prix Couille au cul va être décerné le 28 janvier à midi, à l'occasion donc du festival d'Angoulême 2017. Lauréat de ce prix qui récompense le courage artistique d'un auteur qui subit des menaces dans son pays n'est pas connu. Par contre, on sait d'ores et déjà qu'il s'agira d'une dessinatrice. Tout comme l'an dernier. D'ailleurs, l'an dernier, le prix avait été remis à la Tunisienne Nadia Kiari, l'auteur des aventures de Willis from Tunis. Par ailleurs, puisqu'on parle d'Angoulême, mentionnons que les trois finalistes pour le Grand Prix de la ville d'Angoulême 2017 sont connus. Donc, s'ils passent au deuxième tour du vote, il s'agit de Cosé, de Manu Larsenet et de Chris Ware. Alors, c'est l'un des trois donc qui succédera à Herman. Alors, les gens seront évidemment invités à voter, à choisir, à faire leur choix autour de ces trois monuments de la bande dessinée. Je mentionne également que Alan Moore figurait à l'issue du premier tour parmi les trois auteurs plébiscités, mais en fait, il a refusé cette possibilité, cet honneur, puisque, et je cite, il ne souhaite plus participer à la vie publique de la bande dessinée ou recevoir de prix. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil à l'actualité BD. Et en musique, cette semaine, eh bien, c'est la Matt Fuzz, un Montréalais, qui nous accompagne au fil de l'émission avec quelques extraits de son deuxième EP. Un petit extrait qui s'appelle Au commencement, je rappelle, de Matt Fuzz, toujours ici sur les ondes du 89.1. Et je sais pas si vous avez été faire un tour sur le site de Télé-Québec tout récemment. Sinon, ben en fait, il y a une petite spécification auquel vous pouvez accéder, donc qui a été ajoutée au fil de janvier et qui sera mis à jour à tous les mois pour l'année. Alors, il s'agit de toutgarni.téléquébec.tv. Alors, c'est un projet de bande dessinée numérique épisodique mensuel qui est offert par les éditions La Pastèque. Donc, un projet qui est scénarisé par André Marois et qui va regrouper une belle série de dessinateurs. En fait, Isabelle Arsenault, Pascal Blanchet, Guillaume Perrault, Geneviève Godbout, Cyril Doineau, Patrick Doyon, Jacques Goldstein, Julie Rochelot, Caton, Rémi Simard, Stéphane Poirier et Pascal Girard. C'est Pascal Girard qui, d'ailleurs, livre le premier épisode de cette BD numérique. Et question d'en apprendre un peu plus sur les tenants, les aboutissants de ce projet et aussi pour vous inciter à aller faire un tour si ce n'est déjà fait sur l'application. Eh bien, il est avec nous au bout du fil. Pascal Girard, bonjour. Salut. Alors, mais peut-être d'emblée, pour toi, si je ne me trompe pas, c'est ta première expérience de BD sur support numérique. Oui, je pense que oui. J'en ai, à part des bandes dessinées sur Internet, sur des blogs ou Non, je ne l'avais jamais fait. Et qu'est-ce qui t'a attiré un peu vers faire ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'embarquer dans cette proposition-là? Ben, écoute, j'ai pas trop réfléchi parce qu'on m'a. Bon, c'est la pastèque ou je sais pas qui a fait une liste. J'étais dans la liste, puis ils m'ont dit, t'es dans le projet, puis j'ai dit oui. Je sais pas. Donc, j'ai été au courant, j'étais dans la liste du projet, puis j'ai dit oui. Parce que j'étais déjà dans le train, je pense. Et à un moment donné, quand on voit le train passer, on a envie d'embarquer. Oui, je me suis pas posé vraiment de questions. J'avais du temps, puis j'ai dit OK. Puis c'est ça. Et de ce que j'en comprends, en fait, en termes de dynamique de mise en place du projet, c'est différent d'une BD traditionnelle dans la mesure où ça a été un peu. Il y a eu des rencontres dans un certain travail d'équipe, si on peut dire. Ah ouais, c'est vraiment du travail. Parce qu'en bande dessinée, en général, sauf quand j'ai collaboré, même encore, d'habitude, je suis tout seul dans mon coin, puis c'est mes choix, puis c'est ça. Mais avec ça, c'était vraiment du travail d'équipe parce que je connais rien à la programmation ou au numérique, vraiment. Donc, il y avait une relation un peu avec le côté techno, évidemment, puis entre auteurs aussi, parce que si vous travaillez à une douzaine à peu près sur un même scénario. Ouais, ben ça, comme j'étais le premier, peut-être que ça c'est un peu plus vierge, mais il y avait le scénario de Bré Marois qui disait un peu qu'est-ce qui se passe. On est un peu libre avec les dialogues, mais même encore. Mais après ça, comme pour le premier chapitre que j'ai fait, en fait, c'est pour installer l'histoire, donc c'est moi c'est un peu plus vierge que les autres, je pense, qui vont avoir une histoire où le personnage a déjà un look et tout ça, donc t'avais une certaine liberté pour instaurer un peu ton look, l'ambiance, le look, l'esprit un peu de tout ça. Ben écoute, je pense qu'au début tout le monde on s'était pas trop con, je pense que chacun l'interpréter le personnage de sa façon, ils vont le faire, mais je l'ai habillé d'une certaine façon, puis les autres ont continué à l'habiller comme ça, donc je sais pas s'il va changer après, mais je suis dans les trois premiers, il est habillé pareil. On verra après. Et pour présenter un peu ça, en fait, essentiellement, le premier chapitre, donc c'est l'histoire, dans le fond, d'un livreur de pizza qui doit livrer une pizza dans un immeuble. Donc c'est un peu le point de départ. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est une histoire familiale. Là. C'est quand même un truc qui peut être fait pour, disons, de 7 à 77 ans. Donc, c'est un peu jeunesse, puis c'est un peu une histoire loufoque où il y a un livreur qui doit livrer une pizza à un homme, puis il arrive à l'immeuble. Donc, c'est moi qui installe l'histoire. Puis l'appartement à lequel il doit livrer n'existe pas. Donc, je pense qu'à travers chacun des chapitres, il décide, en tout cas dans mon histoire, de sonner à un autre appartement. Puis après ça, à chacun, il va avoir un peu des péripéties où il va chercher qui en fait a commandé la pizza. Et tu disais tantôt, Pascal Gérard, qu'il y avait une certaine liberté qui était laissée au niveau des dialogues, donc au niveau des ambiances aussi. Donc, ce qui fait que tu orientais un peu, toi, ton chapitre avec seulement le livreur, dans le fond, qui a la parole, les autres qui sont plus muets, un peu plus... Ben, tout ça était dans le scénario déjà, okay. Parce qu'ils sonnent, puis ils arrivent dans un... C'est des artistes qui habitent dans une sorte d'appartement, qui travaillent. Mais tout ça, c'était vraiment déjà dans le scénario d'André Marois, où il communique pas, en tout cas pas en langage qu'il peut comprendre. Donc, ils vont comme dessiner avec leur œuvre, ils vont essayer de représenter, de communiquer avec lui de différentes façons. Mais ça, c'était déjà tout dans le scénario. En fait, toutes les lignes directrices. Moi, c'est un peu comme si quelqu'un faisait un scénario, puis moi, j'avais une certaine liberté dans comment je le dessine un peu. Okay. L'action, certains gags à côté, tout était là, enfin, ou presque. Là, les dialogues, c'est juste plus qu'est-ce qu'ils disent, ou on a ajouté, on a changé, parce qu'il n'avait pas écrit les dialogues, mais il avait dit quand même qu'ils ne peuvent pas communiquer avec les mots, tout ça. Donc, oui, donc ça donne des belles contraintes, un beau cadre. Après ça, ça te laisse, toi, comme à l'habitude, justement, faire une mise en scène de tout ça, mais dans un contexte où tu disais tout à l'heure, il y a quand même une notion de travail d'équipe, il y a une notion numérique. Donc, est-ce qu'on envisage un peu différemment la mise en scène dans un contexte comme ça? Je pense que oui, parce que moi, comme c'est la première, chaque chapitre va être différent, puis j'ai hâte de voir les autres, d'avoir des jeux, des trucs avec un peu comme réalité virtuelle ou du 3D. Ça va vraiment être différent à chaque, je pense. Mais moi, c'est assez traditionnel dans un. Ben, traditionnel. C'est une histoire, un peu une bande dessinée défilante, là. Mm-hmm. Un peu entre l'animation et la bande dessinée, mais c'était pour. J'ai pas commencé avec un jeu parce que je voulais quand même qu'il y ait une certaine narration un peu plus classique, là. Donc, pour moi, c'était vraiment, je l'ai toujours pris comme un travail d'équipe. Donc, dès le départ, eux, ils me disaient qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai eu des idées avec les taches de couleurs. Les gens, quand ils vont les voir, ils vont le voir. Ça fait comme, il y a un peu des cases, disons. avec des fois des animations, des choses qui se passent où on peut cliquer, puis il y a des taches de couleurs en aquarelle, donc j'ai demandé ce que ça fait, puis après c'est eux qui l'ont fait, là, ou des fois j'avais des idées où ils pouvaient dire ça peut être un peu moins, ou peut-être comme ça va fonctionner, donc c'est eux qui étaient les experts. Oui, parce que dans le fond, par exemple, quand on arrive justement une fois que les taches un peu de couleur font le parcours un peu, remplissent l'ellipse qu'on aurait normalement, le blanc entre deux cases, et après ça, quand on arrive dans une nouvelle case, ben, on part un peu du noir et blanc, ça se remplit en couleur, puis après ça, OK, là, l'action commence, donc il y a comme un espèce de rituel à chaque fois qu'on arrive à une nouvelle case, comme ça. Oui, puis ça, c'est eux qui l'ont décidé aussi, comme le noir et blanc, la couleur, parce que moi, mes dessins sont sans couleur. Après... Mais c'est ça, c'est le département qui a fait le projet, qui eux sont habitués en numérique. C'est Vali Fugelin, qui, je sais pas si je dis bien son nom de famille, mais je l'appelle Vali, en fait, qui est productrice en numérique, qui fait comme un peu mener le projet avec la pastèque aussi, Séraphine, la pastèque. Puis c'est tout ce monde-là qui m'ont, moi je me voyais un peu comme un participant au projet, dans toute cette équipe-là, là, qui, oui, dans le fond, tout le monde contribue en disant, OK, là, si tu les amènes un peu comme ça, ben, on pourrait faire telle chose, donc tu pourrais faire chose. Comme tu disais, après ça, tu t'amènes une idée. Puis ça devient un peu un ping-pong. Comme on disait peut-être au départ, ça change un peu du projet solo dans le bureau habituel où si on se retrouve dans une équipe, on est une roue dans un engrenage, mais une roue quand même importante, là, évidemment, parce que c'est quand même le cœur visuel de tout ça. Ça doit, je pense que oui. Mais de toute façon, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait tout seul ou j'aurais jamais pensé à faire ça. Donc j'étais partant aussi pour essayer des choses, là. Et en termes de look, de visuel, je me demandais, parce que dans le fond, habituellement, quand on part avec une BD, bon, on l'envisage dans une perspective de planche. Donc, c'est un ensemble de cases, tandis que dans le contexte de la BD de tout garni, mais dans le fond, c'est case par case, et dans le fond, on voit seulement une case, il y a pas un lien visuel, en fait, entre l'une et l'autre, parce que quand on passe à une nouvelle, l'autre est derrière nous. Donc, est-ce que ça change un peu la manière dont on met en scène les choses en disant, bon, OK, les gens vont ne voir que cette case-là, finalement? Ouais, je l'ai un peu découpé. Je sais pas si je l'ai découpé de la même façon. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus parce que je l'ai comme fait. C'est assez instinctif où j'ai pas trop pensé. Mais d'habitude quand je découpe une bande dessinée, ben je pense à la page ou de plus en plus en tout cas à la double page aussi. C'est t'as comme tu vois toujours deux pages en même temps. Donc, tu peux contrôler ce qui se passe sur la page de droite ou sur le verso ou le recto quand tu contrôles où tu mets tes éléments ou les couleurs ou différentes choses. Là, c'était une case à la fois, donc je pense que je l'ai pensé différemment un peu, mais ce serait dur à dire en ce moment. Mais ouais, mais de toute façon, quand je dessine une bande dessinée, même si je fais mon découpage sur les deux pages en même temps, mais après, souvent, je dessine les cases de façon individuelle, puis après, je les mets ensemble. Donc j'ai travaillé un peu de la même façon où chaque case je les dessine toujours comme un dessin, mais peut-être c'est quand j'ai fait mon découpage que je voyais tout comme un grand ciel conducteur plutôt que les pages, là, en fait. Oui, parce que ça me donnait l'impression aussi des fois qu'on se permettait, par exemple, à l'ouverture, en fait, tu disais, t'établis vraiment l'ambiance, puis dans le fond, le livreur, au fil de ton épisode, il arrive tranquillement vers le bloc, donc ça te permet une belle scène urbaine, il y a des moments où c'est plus découpé par section, il y en a une autre où on voit vraiment le vélo passer, où on peut se permettre des scènes un peu plus longues, si on peut dire, en termes de visuel, que ce qu'on aurait sur papier. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai, ça défile, en fait, c'est comme, parce que je pense que... Ouais, des fois, il y a comme l'immeuble, ça monte vers le haut, il y a une rue, ça tourne. C'est des choses, c'est vrai, que je pourrais pas faire en bande dessinée, donc j'aurais pas autant l'espace. C'est vrai. Et est-ce que tu as l'impression, par le défilement aussi, ou par le rythme, quand ça arrive, qu'on oriente un peu, que ça vient, comme lecteur, un peu forcer le rythme, qui viendrait différemment, peut-être aussi sur album, où on regarde un peu comme on veut, tandis que là, ben... C'est soit il y a une action, à un moment donné, on clique pour passer à la prochaine case, ou justement, ça défile, donc ça oriente le regard, etc. Oui. Ben, je pense que c'est peut-être parce qu'on avait vu des exemples, ils nous avaient montré des exemples la première journée, tout ça. Donc, puis il y avait beaucoup de bandes dessinées défilantes aussi. Défilantes dans le sens que ça, c'est comme si c'était un grand fil. Il y avait des bandes dessinées où c'était juste comme un grand... L'écran va aller tasser vers la droite, par exemple, ou des fois monter vers le haut, bouger un peu comme ça. Puis c'est peut-être que je l'ai vu comme... Quand les usagers, je sais pas comment on appelle ça, le lecteur, usager, va y aller, ils vont voir, ça se promène, des fois ça tourne, des fois ça c'est assez... c'est comme si ça flottait un peu, là. c'est pas toujours vers la droite ou vers le haut. Des fois, ça revient en arrière. C'est assez étrange comment ça se promène. Mais puis ça, ça a été... Ouais, je pense que ça a été fait assez instinctivement. Puis là, j'ai réfléchi, en fait, quand tu le dis. Mais, ouais. Puis, avec la musique aussi qui vient avec les effets sonores, on dirait que c'est... Bien, en fait, on arrive à quelque chose qui est plus numérique, justement, que simplement l'idée de mettre une planche sur le web, là, où on arrive avec quelque chose qui est plus expérientiel, ça bouge, il y a un son qui donne, il y a une musique qui donne un ton, qui donne une ambiance aussi, il y a des sons qui viennent accompagner les bulles. Oui, ça c'est... Il n'y a pas d'autre, mais ça, le support, c'est le numérique, en fait, donc ça pourrait pas être sur papier, ce projet-là, en fait. Donc c'est ça, on a joué avec ça, la musique c'est quelqu'un qui l'a fait, les sons aussi, tout. Donc il y a plein de gens qui sont venus, un peu comme le cinéma un peu, où c'est plus du travail d'équipe, ou c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire seul non plus. Non. Puis est-ce que ça vient aussi, par exemple, je parlais de la musique, est-ce que côté rythme ou côté couleur, est-ce que c'est le genre de truc auquel tu as accès avant de faire le dessin pour voir un peu quelle ambiance est mise, ou inversement, est-ce que c'est eux qui partent un peu de tes premiers sketchs, de tes propositions pour essayer de voir quelle ambiance ils pourraient mettre là-dessus? C'est eux, pas mal, qui sont c'est moi qui est comme parti un peu, puis peut-être qu'on pourrait faire ça, peut-être qu'on pourrait. Puis ils ont comme travaillé avec ce que je leur donnais comme sketch au début, puis après on a vu comment on peut faire. J'ai fait les premiers dessins, ils ont fait des tests, on a regardé, on a ajusté. Mais je sais pas s'ils vont faire ça pour chaque projet, mais pour moi, ben ils partaient de ce que je leur avais donné comme idée là. Après la musique, c'est eux qui l'ont ajouté, tout ça, mais des choses comme ça, mais ce que ça se promène, ça défile, les taches de couleur, c'était un peu mon idée au départ, comme une sorte de c'était une sorte de je sais pas comment le décrire, mais ça fait comme un peu un labyrinthe où on suit, puis après des fois ça tourne, ça revient. Ça c'est eux qui ont fait que ça fonctionne, tout ça. Mais je l'avais vu un peu comme une sorte de long trajet, mais qui est pas linéaire. Et quand ils t'ont dit que t'avais le premier épisode, est-ce que on ressent une pression particulière en disant, OK, la première impression, c'est moi qui vais la donner finalement, donc c'est moi et l'équipe, évidemment, mais je suis un peu au cœur de la première salve, dans le fond, pour ce projet-là? Ouais, ben honnêtement, j'ai pas senti aucune pression pour ce projet-là, vraiment. Ou je l'ai pas pris, ou je l'ai pas eu vraiment. C'est un salaire un peu fandom. Non, je parle, ben, tu sais, commenter, c'est, je trouve que peut-être c'est moins stressant aussi. Parce qu'avec le dernier, ouais, dans les derniers, après, on voit ce que les autres ont fait. Puis comme je partais de rien, ben, je me disais, c'est le premier chapitre, mais mon seul souci, c'était de bien installer l'histoire. Puis j'espère que ça va accrocher les gens pour la suite. Mais, je vais le voir comment ça se développe aussi avec les autres, là. Puis honnêtement, il y a sûrement des projets qui vont être plus innovateurs ou plus intéressants avec la suite, parce que ça va être de plus en plus de mieux en mieux installé, donc ça va être plus il va y avoir des trucs, je pense, qui vont être assez impressionnants ou assez intéressants qui vont être encore plus numériques que le mien, en fait. J'ai bien hâte. D'ailleurs, on va découvrir ça ensemble, finalement, comme lecteur, au fil des prochains mois. Hey, Pascal Girard, merci beaucoup. Merci aussi. Puis à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye bye. Voilà, c'était Pascal Girard, donc dessinateur de ce premier épisode, donc du projet Tout Garni, donc dernier projet qui nous vient du côté de la pastèque à la sphère numérique. D'ailleurs, c'est disponible entièrement gratuitement, et Pascal vous en a parlé un peu, mais sincèrement, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil, là. C'est sur tougarni.télé-québec.tv, donc pour découvrir cette proposition. Alors, on repart maintenant en musique, toujours avec Matt Fuzz, ici à CKRL. Et on poursuit avec quelques regards, tiens, sur des bandes dessinées, sur des sorties. Je vais assez rapidement, en fait, deux titres dont je veux vous parler. Le premier, je ferai brièvement, simplement vous dire que c'est excellent. Lisez-le. On commence avec le punch, si on peut dire, de la critique. Ça s'appelle Stupor Mundi, c'est de Nejib. C'est vraiment une de mes découvertes coup de cœur de l'an dernier. Pas coup de cœur au point d'être dans mon top 3, mais quand même très, très proche du top 3. Alors, essentiellement, donc, on se retrouve au Moyen-Âge. Donc, un savant qui est chassé de Bagdad... dans un contexte d'obscurantisme, de dogmatisme religieux, accompagné par sa fille, par un esclave, donc il va trouver et par un esclave protecteur, en fait, il trouve refuge en Italie chez un empereur. Il est accueilli par un souverain qui est surnommé la stupeur du monde, Stupor Mundi. Donc, et il attend la visite de celui-ci. Il doit fournir quelques éléments qui justifient un peu cet accueil, qui justifient sa présence en cet endroit. Et essentiellement, ben il découvre au fil du temps qu'il a quitté un obscurantisme essentiellement pour plonger dans un autre qui est pas nécessairement meilleur. Et on le voit un peu se dépêtrer dans ce contexte-là. On voit aussi sa fille essayer de trouver sa place, de définir certains éléments, de se positionner dans cet univers-là, dans des relations avec d'autres personnes, le prince entre autres. Une saveur de mystère vraiment qui s'installe autour des personnages, autour des raisons de leur présence, autour de l'invention sur laquelle ils travaillent. Il y a beaucoup d'éléments autour de ça, c'est une BD qui est très dense, qui est très riche aussi. Parce que justement, on réussit à offrir tout ça avec un bon rythme, où on révèle tranquillement des parcelles justement de la nature profonde de ces personnages-là. Au fur que les pages se succèdent, on découvre pourquoi, par exemple, l'esclave protecteur, donc qui s'appelle El Ghul, ben pourquoi il porte un masque. On découvre ce qui a chassé l'un d'un autre endroit, la nature de cette Stupor Mundi et le reste. Alors, ça nous donne quelque chose qui est un objet très intéressant, qui visuellement donc est dessiné un peu plus de type croquis, dans une esthétique qui fonctionne. On y va avec une certaine simplicité, mais une belle composition aussi au niveau visuel. Certains personnages vont peut-être même vous faire penser à certains trucs de David B. Alors, donc c'est vraiment un tout très intéressant. C'est chez Gallimard, là. J'en dirai pas plus, mais simplement pour vous dire d'y jeter un coup d'œil si vous le croisez en librairie. Là, ça s'appelle Stupor Mundi. Et je prends quelques minutes aussi pour mentionner les vacances de Big Cassine, tome 1, en fait, le retour de cette héroïne des premiers âges, presque de la bande dessinée. Dans certains cas, je suis toujours un peu sceptique par rapport à des bandes dessinées un peu à saveur d'hommage ou de poursuite de personnages, comme il se fait de plus en plus. Dans le cas de Big Cassine, je me donnerais peut-être une exception dans la mesure où c'est un personnage qui a tellement eu un très très long passage presque non existentiel, où il n'y avait pas de production, que ce retour, si on peut dire, de cette héroïne-là, s'y mène à d'autres tomes également, mais pourrait aussi permettre de réactualiser ou de réintéresser des gens vers la collection plus patrimoniale qui est associée à cet individu. Donc, essentiellement, qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, c'est une petite aventure toute légère, avec pas de grands enjeux, où Bécassine, ben dans le fond, va partir en vacances pour un petit village. Pas de train, donc elle va se déplacer en train vers Lyon, elle va prendre le bateau ensuite, et il va avoir, donc, chacune des étapes de son voyage, ainsi qu'à son aboutissement, ben une série de petites anecdotes, des anecdotes souvent créées par la naïveté de ce personnage-là, qui prend essentiellement tout au pied de la lettre. Donc, il n'y a pas de recul, si on peut dire, conceptuel par rapport aux choses, donc ce qui l'amène dans différentes situations, dans différentes confusions, mais sa bonne nature, son bon cœur amène les gens à lui pardonner rapidement. Donc, c'est un personnage quand même fidèle à ce que c'était à l'époque, qui a un petit côté rétro peut-être dans la nature de son humour, de sa personnalité, mais qui cadre bien justement avec l'aspect revival, si vous me permettez l'anglicisme, donc de cet univers-là. Alors, il y a un côté hommage peut-être un peu qui en ressort, une volonté de rester aussi dans la lignée de ce qu'était Bécassine à l'époque. Donc c'est tout ça va venir fonctionner. Donc Corbeyran au scénario, Béja au dessin, qui font un beau travail dans la continuité de ce personnage-là. On respecte donc l'univers, on respecte l'esprit du personnage, l'aspect visuel. Ça fait sourire, c'est pas une BD qui fait rire aux éclats, mais qui disons, nous permet de replonger un peu dans un univers qu'on a peut-être oublié. Donc, c'est pas une BD incontournable, mais par contre, si on a envie justement de ce type d'ambiance-là, ça peut faire le travail. Donc, ça reste un bel hommage à cette héroïne, peut-être un peu oubliée, de la sphère de la bande dessinée. Alors, ça, c'est donc Bécassine, tome 1, Les vacances de Bécassine, et c'est chez Gauthier Langros. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30 d'ailleurs pour La Vie en BD. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD, que l'ensemble des émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et je vous invite également à suivre mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Alors voilà pour ces éléments, et maintenant on plonge dans la sphère de l'auto-édition avec donc un album qui s'appelle Dans la tête de François, donc collaboration entre le dessinateur Marc Bruneau et l'humoriste et scénariste François Saint-Martin. François Saint-Martin est avec nous au bout du fil, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Et peut-être en fait d'abord la petite histoire de ce qui a mené à cet album-là en auto-édition, ça a commencé en fait d'abord avec des blagues sans dessin, si on peut dire, sur les médias sociaux. Éventuellement, c'est Marc Bruneau qui vous a approché pour dire ben, et si on mettait une dimension dessinée à tout ça? Exactement. Moi, j'avais déjà l'habitude depuis, je dirais même plusieurs années, de commenter l'actualité ou d'y aller avec des petites pensées humoristiques sur les réseaux sociaux, en espérant un jour en faire quelque chose. Et c'est un hasard de la vie, Marc Bruneau rencontré au coin d'une rue qui avait déjà fait des illustrations par le passé et qui avait le goût de s'y remettre, mais qui n'avait pas de contenu, et qui m'a simplement offert de mettre mes petites réflexions humoristiques en images. Et tout ça a déboulé sur une page Facebook qu'on a ouverte au départ là, en décembre 2015. Et de la page Facebook est venu le site web, et de tout ça est venue une campagne de sociofinancement, donc un peu, ben, comme beaucoup de BD d'ailleurs aujourd'hui, on se bâtit un peu des fans, des amateurs à travers un projet web, et éventuellement, ben, oups, il y a un intérêt aussi pour une version livre, et la campagne de sociofinancement est venue avaliser un peu cet intérêt-là. Exactement. On a publié sur notre page Facebook et notre site web pendant à peu près 8 mois, avec vraiment le désir de faire évoluer notre concept, de développer notre personnage, le style d'humour et tout ça, et en même temps se bâtir un public, parce qu'on avait déjà l'idée d'un livre en tête, mais on se disait tant qu'à se dépêcher de publier un livre et mettre ses tablettes et que personne ne connaît le produit, ben on va laisser le temps de le faire connaître sur le web. Et tout ça a déboulé sur une campagne de sociofinancement où on a eu vraiment un résultat au-delà de toute attente qui nous a permis de lancer le premier livre en octobre. Oui, en fait, je pense que c'est 169% de l'objectif. 169% de l'objectif. Vraiment, on a vu les gens qui nous suivaient depuis des mois ont vraiment bien répondu à l'appel. Et je trouve que c'est une belle histoire parce qu'on parle souvent que les gens se demandaient est-ce que le web, les réseaux sociaux, tout ça va tuer le livre, le papier. Et nous, ben, on est un cas inverse. Le livre existe aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Et j'ai l'impression quand même, quand on parle de dessin, de BD et le reste, il y a toujours un souci, un désir éventuel d'avoir l'objet. Oui, absolument. Nous, même si on s'amusait bien avec le web, puis le personnage continue à vivre d'ailleurs encore, même une fois le livre sorti, la page Facebook continue d'être active, on publie régulièrement là. Mais on avait besoin d'avoir le produit entre les mains. Pour nous, là, c'était comme le point de départ réel du projet, c'est d'avoir un livre entre les mains. Et on a mentionné tantôt, en fait, que Marc Bruneau avait mis en scène donc les réflexions, les gags que tu écrivais et que tu écris toujours. Et c'est important, je pense, comme distinction. si en fait, c'est pas la bande dessinée humoristique habituelle où on va voir un strip, un certain nombre de cases, une planche avec les gags, mais c'est vraiment plus, dans le fond, un peu l'avatar de François Saint-Martin qui est mis en scène, un peu comme si c'était un spectacle d'humour, dans le fond, qu'on lisait. Oui, en fait, c'est le concept de notre livre puis de tout ce qu'on fait, c'est vraiment des réflexions du personnage François. C'est pas nécessairement de le voir en action ou de voir d'autres personnages. Marc a réussi à créer un environnement autour de tout ça, mais la base, la première base, c'est vraiment dans la tête de François, c'est dans le sens de les réflexions qui proviennent de la tête de François quand il observe la société autour de lui. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on a l'impression que le dessin vient ajouter peut-être à la simple lecture du gag? Mais en fait, moi, c'est extraordinaire de voir ce que ça apportait parce que la plupart des gags au départ étaient déjà écrits sans avoir même une idée qu'il allait avoir un visuel autour. Et on sépare vraiment le travail. Moi, j'écris vraiment entièrement les textes et lui s'occupe entièrement de l'illustration. On a chacun notre zone de confort bien définie. Et ce que Marc a amené dans le projet, c'est que ça a amené un univers autour du personnage. Parce que moi, quand je publiais mes blagues, en fait, il n'y avait même pas de personnage. Je jouais avec les mots simplement. Et c'est lui qui a amené l'idée qu'on transforme ça en un personnage. On lui crée un environnement, on lui donne un style un peu nonchalant, qui consulte son iPhone. Puis tranquillement, il y a des personnages qui apparaissent, que moi, j'imaginais même pas. Là. On a les enfants qui apparaissent, les voisins. Hein. Donc, c'est de donner un peu un contexte au gag, d'essayer d'imaginer dans quel contexte cette pensée-là, ce gag-là, dans le fond, aurait pu jaillir dans l'esprit, dans le fond. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas nécessairement de le retrouver dans des situations complètement folles des environnements, des paysans, parce que moi, ces blagues-là me viennent souvent en observant tout simplement dans mon quotidien autour ou en lisant le journal, par exemple. Donc, on voit le personnage qui passe ses réflexions, il peut se retrouver, il est tout simplement assis à une table en sirotant son café avec le journal et passe sa réflexion. Et pour trouver un peu ce rythme-là, trouver le rythme du personnage, est-ce que c'est venu rapidement dans les premières propositions qu'on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose d'intéressant ou ça a pris un certain temps avant de trouver le rythme de mise en scène, si on peut dire, de tout ça? Mais en fait, on s'était donné... Le projet a été lancé sur le web en décembre. On a commencé à travailler là-dessus en octobre. Donc, on s'était donné 2-3 mois parce qu'on partait. C'était pas évident, même si c'était mes réflexions au départ, on s'était jamais dit et j'avais jamais passé la commande à Marc de dire crée un personnage qui me ressemble. Mm-hmm. Les gens qui me connaissent voient un lien maintenant aujourd'hui. Il y a autant de cheveux que moi avec des gros sourcils. Donc il me ressemble aujourd'hui, mais au départ, les premiers croquis et tout ça, ça aurait pu être un animal, un autre personnage complètement. Et au fil des croquis, Marc en est venu vraiment à la conclusion que le personnage me ressemblait finalement. Mmh. Et lui donner un faciès, lui donner des expressions, de voir un peu comment, de manière subtile, dans le fond, il réagit aux pensées qu'il a au fil des pages. Oui, puis en même temps, c'est un personnage très pince sans rire. Là, s'il y a des traits physiques qui me ressemblent, je crois que c'est un côté qui me ressemble un peu moins, mais il est toujours pince sans rire. Donc, et puis notre page couverture, c'est un peu ça. Là, on le voit, l'air un peu blasé, pince sans rire, puis on voit le reflet de la lumière à l'arrière où là, c'est un grand sourire, là, c'est tout éclaté. C'est un peu ça. On joue dans l'humour complètement, mais c'est pas un personnage qui va afficher un grand sourire, là, les dents qui brillent. Et dans l'humour aussi, qui est basé sur la brièveté, c'est pas des longues pensées non plus, c'est une phrase, deux phrases, trois phrases tout au plus, mais c'est, oui, on y va droit au but, là. Oui, puis visuellement, c'est le même principe aussi, c'est une case, deux cases, trois cases maximum. C'est vraiment des petites blagues courtes qui viennent justement dériver de l'espace qu'on a sur Facebook, qu'on a sur Twitter, qui est toujours très court. Alors moi, j'avais déjà développé ce style-là d'aller très bref, et c'est ce qu'on conserve aussi dans le livre. Là, c'est pas une histoire continue, on peut ouvrir le livre à n'importe quelle page, puis c'est toutes des petites histoires indépendantes qu'on a quand même regroupées par thématique, mais on reste vraiment dans des petits flashs, très rapides. Oui, puis en fait, il y a vraiment, en termes de rythme aussi, c'est autant on peut avoir sur une même page, des fois, un trois cases, une case, un autre une case, etc. Mais c'est des cases où on ne sait pas exactement la longueur du gag tant qu'on ne l'a pas lu, parce que c'est finalement, il y a une variété un peu dans l'organisation, si on peut dire même des planches. Là. Oui, puis c'était volontaire d'y aller un peu déconstruit, parce qu'en même temps, tout ça commençait sur le web, où on n'avait pas de limite d'espace, de largeur, de hauteur. On y allait vraiment, les dessins au départ, avant même le livre, étaient tous simplement fait pour s'adapter à la blague, et pas pour s'adapter au matériel sur lequel il va être publié. Et même, en fait, côté des constructions, je mentionne au passage qu'il n'y a pas de numéro de page non plus, donc c'est vraiment, regardez, lecture libre, vous commencez où vous voulez, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est le petit clin d'œil de Marc qui s'est dit, justement, c'est un livre qu'on peut lire de n'importe quel ordre, n'importe quand. On peut avoir juste 30 secondes de lire, on l'ouvre à n'importe quelle page, on lit un petit extrait ou on peut s'installer le lire au complet. Ça fait partie, de l'esprit. Et François Saint-Martin, en fait, tu disais au départ que c'était pas destiné à être dessiné, mais par contre, en cours de route, ça l'est devenu, en fait, où tu savais que quand tu écrivais ce gag-là, il allait avoir Marc, il allait faire un dessin autour de ça. Oui. Est-ce que c'est venu un peu orienter ton écriture en commençant à imaginer peut-être comment ton avatar en viendrait à le dire ou En fait, ça, je dirais, ça n'a pas nécessairement orienté l'écriture. Mais ça m'a forcé à me dire que maintenant que les paroles viennent d'un personnage qui s'appelle François, faut qu'à un moment donné le style se suive. Faut que son genre d'humour demeure. Je peux pas arriver avec une blague que je me dis non, ça ce serait pas le genre de François. Donc c'est ça que ça m'amène moi dans l'écriture. Parce qu'après ça, moi j'écris le texte, je l'envoie à Marc et lui il a carte blanche, il invente un univers complet. C'est très très rare, je vais envoyer des fois c'est pas des consignes que je vais lui donner, c'est plus une idée que j'ai eue, mais c'est très très rare, je lui donne l'attitude complète pour créer l'univers qui va autour de ma blague. Et ça c'était le cas dès le départ ou Oui, dès le départ parce que au départ lui, on a fait le test, il m'a juste demandé est-ce que je peux essayer, envoie-moi quelques blagues puis je les illustre. Et puis on a gardé le même principe de travail depuis. Et parallèlement, est-ce que ça t'amène aussi, en fait, sachant que tu voulais les faire sur Facebook au départ, t'amuser un peu avec ça, t'as fait de la scène, t'as fait de l'humour aussi, t'en fais encore depuis, il me semble, un certain temps, 2006 presque, au départ. Donc, est-ce que ça vient aussi, cette obligation-là, entre guillemets, que tu t'es auto-donné, le contexte BD m'a ajouté une arme de plus, si on peut dire, à ton arc humoristique? Bien, en fait, la BD est arrivée parfaitement dans ma vie parce que oui, je faisais des spectacles, beaucoup moins maintenant. Je vais plus faire des animations, des choses comme ça, mais je présente plus de spectacles tels quels. Et quand j'avais pris la décision là, d'arrêter des spectacles, j'étais pas capable d'arrêter de produire, d'arrêter de créer. Et c'est de là l'idée que je continuais à y aller presque quotidiennement avec des blagues. Alors moi, ça m'ouvre vraiment un nouvel horizon où j'avais choisi d'arrêter de faire des spectacles, mais je voulais continuer d'écrire des blagues puis de faire de la création en humour. Et voilà, là, c'est le projet parfait pour que ça se poursuive. Et ça, sans limitation de sujet non plus, avec un cadre qui est bref, mais qui est pas limité. Et comme tu dis, finalement, la seule contrainte qui est venue un peu par le fait d'elle-même, finalement, donc cette vérité du personnage qu'il faut en venir à respecter, qui était pas imposée non plus au départ. Donc, ce qui fait que l'esprit du personnage est venu un peu naturellement aussi, au bout du compte. Oui, c'est ça. Puis le personnage, il me ressemble pas seulement par les traits de dessin, mais aussi dans l'esprit, c'est-à-dire que on fait quand même un humour, on joue avec les mots, on fait des mots d'esprit, on n'y va pas du tout là, dans la vulgarité ou des choses comme ça, qui était déjà le style d'humour dans lequel j'étais à l'aise, là. Donc, il n'y a pas de problème à poursuivre dans cette voie-là. Premier tirage de cette BD-là à 500 exemplaires au niveau du lancement. C'est le volume 1. Donc, est-ce qu'on a volonté, si les copies partent bien, si selon la campagne de financement, j'imagine que ça a bien été aussi, est-ce qu'on a volonté de faire un volume 2, de continuer à faire évoluer cet univers-là? Absolument. Le volume 1 est loin d'avoir atteint sa vie. On a fait 500 exemplaires au départ. On en a réimprimé un 250 autres pour le temps des fêtes. Et puis, on prévoit une autre impression prochainement parce que là, on amorce la tournée des événements à travers le Québec. Donc, on n'a pas du tout fini de faire rouler ce beau produit-là pour les prochains mois, mais on a déjà dans les plans à l'automne prochain d'arriver avec le volume 2. Alors, on suit ça, et si les gens veulent justement se mettre en bouche un peu cet univers-là, sur Facebook, en fait, dans la tête de François, on a juste à le chercher dans l'outil de recherche, ou sinon dans la tête de François.com pour le site web. François Saint-Martin, merci beaucoup. Eh bien, merci, c'est un plaisir. C'est un peu plaisir. Voilà, donc c'était François Saint-Martin, je le rappelle, donc l'auteur de cette bande dessinée, donc dans la tête de François, illustrée par Marc Bruno, et c'est une bande dessinée auto-éditée. Alors, dernière ligne droite de cette émission, La vie en BD, et dernière ligne droite qu'on consacre à un événement qui s'en vient très prochainement. En fait, c'est les 24 heures de la bande dessinée d'Angoulême. Tradition, ça fait 11 ans que ça existe, donc du côté du festival de la bande dessinée d'Angoulême, festival international bien prisé, c'est un peu le coup d'amorce, le coup de semence, on peut dire, avant que le festival officiel commence. Ceux qui y participent, ben, généralement, sont épuisés pour les jours qui suivent, ou ils vont s'épuiser un peu plus. Et également, c'est un événement qui est ouvert de manière assez large. Donc, via le web, via Internet, on peut se lancer justement dans ce 24 heures. Et à l'invitation du Festival de la bande dessinée francophone de Québec à l'aube de son 30e et également de la Maison de la littérature, eh bien, il y a une dizaine d'auteurs qui vont relever de manière collective ce défi à Québec. Alors, ben, deux d'entre eux sont avec moi en studio. Anthony Charbonneau-Grenier, Catherine Lemieux, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, ben, peut-être, en fait, le 24 heures de la BD, essentiellement, si on résume, c'est de faire une bande dessinée complète, 24 planches, couverture, quatrième de couverture inclus, en 24 heures. Oui. Oui, tout à fait. C'est tout qu'un défi. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est un défi quand même assez intense. Côté création, c'est une nuit blanche de travail. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un défi comme celui-là? Ben, il y a deux choses qui sont... Ben, c'est ça, il y a le défi pour le plaisir du défi, premièrement. Puis ensuite, je pense que ça permet de faire deux choses qu'on fait pas habituellement en bande dessinée, c'est-à-dire de créer en groupe, de un, puis de créer sous l'urgence un peu, donc rapidement. Exactement. Moi, en fait, ça fait déjà quelques années que je participe, puis je dirais que la raison pour laquelle j'ose m'en relancer dans cette zone de pas de confort, là, c'est justement plus pour le contexte de créer avec d'autres personnes. Voilà, donc d'avoir un contexte, comme cette année à la Maison de la littérature, où on allait être comme plus que deux petites personnes dans l'appartement à produire, je me suis dit que ça serait beaucoup plus stimulant, donc voilà. Oui, parce que dans le fond, l'an dernier, tu l'as fait en maison, en appartement, avec un ami, on s'installe, on essaie de faire la nuit blanche, on réussit finalement. Tu t'es rendu à quoi, 8-10 planches à peu près? Ah, on s'est rendu tous les deux environ 8 planches. J'étais avec Max Tache, que lui, justement, il avait diffusé le 24 heures, on était filmé live. C'était le truc rigolo de nous voir de la frénésie à l'épuisement et à jouer du ukulélé. C'était très joyeux. et le fait de savoir, parce que quand on va voir justement sur le site la résultante, c'est pas tout le monde qui réussit à faire le 24 heures, à faire les 24 planches, en fait. Donc, ça reste un défi d'efficacité. Est-ce qu'on a l'impression que c'est un peu l'objectif qu'on se donne en allant là, en disant, OK, je veux faire le 24 planches, peu importe la qualité de dessin, ou au contraire, on dit, OK, je veux faire le maximum de qualité, quitte à pas faire, justement, le 24 au complet? Ben, ça va dépendre de chacun, mais moi, personnellement, mon défi cette année, c'est d'essayer de me rendre à 24, en étant prêt à faire des sacrifices au niveau de la qualité du dessin, absolument, oui. Et ton côté, Catherine, aussi? J'essaie de me rendre à 9. Non, c'est blague, j'essaie de me rendre à 24. Puis on dirait que, justement, essayer, ben, comme tu dis, justement, Anthony, de laisser le peaufinage de côté. J'essaie de mettre ça de l'avant, d'essayer de passer aux 24 planches, tout en ayant peut-être encore l'aspect couleur aquarelle, là, si j'ai capable d'avoir ça. Plus que mes 10 planches, on verra bien. Là. Et est-ce que c'est facile, justement, pour un auteur de dire, OK, je mets justement un peu la qualité de côté, j'accepte de tourner les coins ronds, sachant quand même aussi que c'est diffusé sur le web, c'est là pour la postérité, qu'il y a peut-être du monde qui vont profiter de cette occasion-là aussi pour remarquer, pour lire au hasard un peu certains textes d'auteurs qui connaissent pas. On peut s'imaginer beaucoup de choses avec ça. Est-ce qu'on accepte facilement de se dire, OK, on tourne les coins ronds puis on essaye de faire efficace, de changer, quitte à changer un peu le style? Peut-être qu'on commence. Je trouve que c'est un petit peu complexe de laisser ces petits complexes de côté, mais je pense qu'au fil du temps, tu veux comme tellement te rendre, peut-être tu vises la 24 pages et tout, donc au pire, je pense que dans l'ensemble, ça va faire son charme, mais voilà, je crois. Peut-être aussi qu'il va y avoir une sorte d'effet de décrescendo où on commence avec un standard de qualité élevé, puis plus le temps avance, puis plus on se rend compte qu'il nous en reste peu, on réduit progressivement le style pour réussir à atteindre l'objectif. Moi, c'est la première fois que je vais le faire, donc ça va être à voir. Oui, toi, tu avais déjà fait en fait un 9h, 9 planches, donc le rythme a fait une planche à l'heure. Est-ce que ça se fait bien? Parce que... Ben, cette fois-là, vous voyez, c'était 9 planches en 9 heures et moi, j'avais pas réussi parce que j'avais commencé vraiment avec... je voulais que tout soit parfait. Puis là, rendu après 5 heures, j'avais 2 planches de fête. Et là, je me suis rendu compte que ça marcherait pas. Donc, je me suis mis à dessiner surtout pour le plaisir cette fois-là. Donc, un peu comme Catherine, enfin, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'y arrivera pas parce qu'on a mis trop de temps, parce qu'on a mal, pas qu'on a mal, mais qu'on voulait trop bien faire. Donc, on a mal évalué un peu le temps qu'on peut passer à chaque planche. Est-ce qu'à la limite, c'est quelque chose qu'on se dit, OK, je vais mettre une horloge, un petit cadran, dire, ben, OK, là, ça fait 1 heure que je suis sur ma première planche, faut que je passe à autre chose ou? À la limite, mais tout dépendant des contraintes. On dirait qu'il y a des années où les contraintes vont peut-être être lancées. Pour expliquer un petit peu le contexte, pour ceux qui font le défi ou qui se demandent un peu c'est quoi le truc, c'est que c'est dès le début de la manifestation qu'il y a une contrainte qui est lancée. Donc, ce qui fait en sorte que tu peux pas choisir à l'avance qu'est-ce que tu vas produire. Donc, il y a peut-être des contraintes. Si je regarde, il y a environ 2 ans, la contrainte, c'était de produire la bande dessinée d'après 90 images, les dernières 90 images du compte Instagram de Boulet. Et il y en a donc, d'autres des années où c'était carrément 8 heures. En fait, il y avait une première contrainte, une deuxième après 8 heures, une troisième après un troisième 8 heures. Donc, exactement, petit côté tricky qui fait en sorte que ça balance un peu le truc. Là, ou qui a dû amener certaines personnes à dire « Bah, finalement, je ne réussirai pas à faire une BD en 12 heures, il va falloir que je fasse la 24 heures. » Pour ceux qui sont plus... Il y en a qui sont leur frustrés, en fait. Il y en a d'autres qui vont produire très rapidement et qui se disaient « Ben voyons, à quand arrivera la suite? » Mais tout dépendant, je sais que moi, je travaille très lentement. Fait qu'au moins, moi, ce défi-là, je me dis, bon, ben, on va essayer de développer des trucs. Puis... En fait, la contrainte est un peu le joker. Parce que ça peut... Enfin, on l'a vu, il y a eu des années où les contraintes étaient relativement peu contraignantes. D'autres années où, au contraire, ils l'étaient énormément. Et là, c'est un peu quand on regarde les contraintes contraignantes qu'on se dit, ben, OK, pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Ou... Ouais, d'autant plus que les premières années, c'est des contraintes relativement banales. Ça doit commencer avec une boule de neige, puis finir avec une boule de neige. Dans les dernières années, on a vu les contraintes les plus difficiles, peut-être les plus acrobatiques. Donc, on peut craindre de voir ce qui va arriver là en 2017. Est-ce que ça va être encore pire que les 2 dernières années? Qu'est-ce qui se passera-t-il? Et on parlait de l'ambiance de groupe. Le fait d'être une dizaine d'auteurs regroupés dans un même endroit, est-ce que vous avez l'impression que ça va être surtout pour l'ambiance, pour le côté encouragement, en fait, savoir que vous n'êtes pas tout seul à essayer de passer au travers? Ou est-ce que il y a un intérêt aussi pour le côté conseil, regard, de prendre une pause un peu de sa création, d'aller voir un peu ce que les autres ont fait, donner un avis, solliciter un avis, des choses comme ça? Ah, j'imagine que oui. J'imagine que ça peut aider pendant les pannes sèches d'aller se promener un peu, voir comment les autres s'en sortent. Aller chercher les conseils précieux de chacun. Non, ouais. Je pense que définitivement, ça peut peut-être emmener beaucoup ce côté apprentissage de la chose. Ouais. Et en plus, en fait, vous êtes à la Maison de la littérature et exceptionnellement, cette journée-là, la maison va être ouverte de 10h à 23h. Donc, ce qui fait que le public aussi va pouvoir venir voir, donner des petites tapes dans le dos, peut-être jaser aussi un peu. Est-ce qu'on a l'impression que qu'on va amener, essayer d'être à ce point stressé qu'on va aller s'isoler ou au contraire que le fait d'avoir le contact comme ça avec le public, ça va nous garder sains pendant, en attendant la nuit blanche, la grosse période de 12h où là, on va être tout seul dans le noir. Espérons que ça nous garde sains. Ben, peut-être que toujours dans l'esprit d'échange, à la limite, on verra bien. Je pense que ça peut aussi être agréable aussi. Oui, d'avoir la famille, les amis qui viennent d'encourager, voir si t'es encore rendu à 10 heures le soir, si t'es encore fonctionnel. On est encore heureux dans notre cœur, puis tout. On devrait être bon pour rester sain jusqu'à la fermeture de la maison, puis après pouvoir laisser place à l'insanité qu'on se rentre nous, puis que tout le monde va se battre pour avoir accès au scanner pendant les dernières minutes. Oh my God. Oui, parce que dans le fond, faut la numériser aussi en cours de production. C'est un peu, il y a un rythme et ça va être mis en ligne aussi tout de suite après, en fait, le 24 heures. Ça va être assez rapidement mis en ligne sur le site des 24 heures de la BD, en fait, 24 heures de la bande dessinée.com. Donc, il y a aussi cette pression-là. Il y a la pression d'équipement. Et en même temps, parlant d'équipement, est-ce que vous pensez plus travailler sur papier, aller directement à l'ordinateur aussi, puisqu'on peut décider d'y aller avec les planches. Il n'y a pas de défi de numérisation dans ce cas-là. Ben moi si j'y vais comme à chaque année papier crayon aquarelle définitivement je sais que si j'essaie de me lancer trop dans une nouveauté genre y aller à l'ordinateur ça risque d'être un bug de ma part je crois qu'il y a certains artistes tout de même qui vont se lancer sur les tablettes et tout. Anthony. Ouais, ben moi j'ai hésité parce que c'est sûr qu'il y a l'attrait de la rapidité avec le numérique. On peut faire la couleur directement, on n'a pas besoin de faire de brouillon. Le brouillon propre peut être la même chose, pas besoin de scanner. Mais au final, je pense que je vais y aller 100% papier crayon. Pour voir un peu comment on va réussir à tourner un peu avec tout ça. Est-ce qu'on fait un scénario à l'avance aussi? Non, bon, non. C'est pas, on connaît pas la contrainte. Non, mais sur place, en fait, ce qu'on se dit la première heure, c'est le scénario où on se lance tout de suite avec les crayons. Est-ce qu'on s'est déjà fait un petit plan de match, là, si on peut dire, en terminant? Si on a la chance que la contrainte soit pas donnée tout au début, que la contrainte soit donnée tout au début, peut-être qu'on va pouvoir se faire un scénario, sinon ça va être... advienne que pourra. Tout dépend de la contrainte. Alors, enfin, on invite les gens, évidemment, à aller vous voir, à aller vous rencontrer, donc, le 24. Donc, le défi, lui, commence à 9h le matin, termine à 9h le lendemain matin, le mercredi 25. Sinon, ben, ça va être accessible au public, donc, de 10h à 23h, comme j'ai dit, du côté de la Maison de la littérature. Sinon, il y aura des publications aussi au fil de la journée sur la page Facebook, entre autres, du festival La Bande dessinée francophone de Québec. Donc, plein d'opportunités d'aller vous suivre et de voir un peu aussi ce que vous allez produire sur le site par la suite. Alors, ben, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Alors, c'était Catherine Lemieux et Anthony Charbonneau-Grenier, donc deux participants aux 24 heures de la BD d'Angoulême, mais dans ce groupe, donc à Québec. Alors, voilà qui conclut l'émission de cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, exceptionnellement à 17h, d'ailleurs. Et au menu, ce sera un regard sur les bandes dessinées Le Bouddha brisé et Le fil d'Ariane chez Berber 1313. Également, Édouard Tremblay sera avec nous pour des commentaires BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une bonne soirée et une bonne semaine sur les ondes du 89.1.